Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une histoire juste fascinante. Oui, les justes, comme on appelle tous ceux et toutes celles qui ont sauvé des juifs de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est leur histoire. Les faits remontent au début de l'automne 1943, à Rome, occupée par les Allemands. Dans la capitale italienne, trois médecins de l'hôpital Fate Bene Fratelli affirment avoir découvert une très dangereuse bactérie baptisée le syndrome K, syndrome infectieux mortel et hautement contagieux, plus dangereux même que la tuberculose qui à l'époque faisait figure d'épouvantail. Conséquence, pendant des mois, terrifiés à l'idée d'être contaminés, les nazis éviteront de s'approcher de l'hôpital Fate Bene Fratelli, lieu où sont mises en quarantaine toutes les personnes touchées par ce mal incurable. Ce n'est que 50 ans plus tard, au début des années 90, que les Italiens découvriront la vérité sur ce risque d'épidémie. Ce confinement total, celui-là, ne souffrait en effet d'aucune exception et poursuivait officiellement un objectif sanitaire. Officiellement, car en vérité, le virus K, c'était tout autre chose. Notre invitée aujourd'hui, Marianne Matarbunchi, historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Italie. Elle est aussi la présidente de l'association Alarmée, l'acronyme de Association de lutte contre l'antisémitisme et les racismes par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Ricquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le temps est venu de vous révéler le rôle crucial joué par notre aviation lors de l'invasion de la Sicile. De nos aérodromes, les Spitfire décollent continuellement pour protéger le corps expéditionnaire. La Royal Air Force maintient un contrôle permanent et joue les boucliers aériens au-dessus du convoi allié qui fonce vers les îles italiennes. Le 10 juillet 1943, les soldats américains et britanniques débarquent en Sicile. C'est le premier acte de la campagne d'Italie et c'est aussi le premier épisode de la reconquête du continent européen par les Alliés avec l'aide précieuse et héroïque des partisans italiens. Au terme de deux semaines d'intenses combats, les troupes alliées infligent une première défaite à l'Italie fasciste et à son allié historique, l'Allemagne nazie. Pendant que les Britanniques prennent possession de la Sicile, les Américains préparent déjà l'invasion du continent européen. Dans leur ligne de mire, la ville de Catane, d'abord en Sicile, puis les régions de Calabre et de Campanie, et sa ville principale, Naples, avant de remonter vers Rome, là où mènent tous les chemins, dit-on. En cet été 1943, après l'invasion des Alliés en Sicile, c'est le branle-bas de combat, et c'est le cas de le dire. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, le Grand Conseil fasciste relève Benito Mussolini de sa charge de chef de gouvernement. Viré, en clair. Le roi Victor Emmanuel III assigne Duce à résidence. Un nouveau gouvernement, dirigé par le maréchal Badoglio, est constitué et il annonce poursuivre l'effort de guerre. Mais en réalité, et dans le plus grand secret, Badoglio, avec le soutien de son roi, négocie déjà un cessez-le-feu avec les alliés. Et le 8 septembre, deux mois à peine après le débarquement, alors que la plus grande confusion règne dans toute l'Italie, le maréchal Badoglio rend public l'armistice. 800 000 soldats italiens déposent leurs armes. L'histoire aurait pu en rester là. Sauf qu'à Berlin, Hitler crie à la trahison. Il refuse de laisser son allié sortir de la guerre et il prend la funeste décision de transformer l'Italie en champ de bataille. Dans les jours qui suivent, une trentaine de divisions blindées de la Wehrmacht et près de 15 000 hommes de la SS traversent la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Il s'agit de neutraliser les troupes italiennes dans la perspective d'un retournement d'alliance et empêcher ainsi toute progression des armées britanniques et américaines. La capitale, Rome, est sacrifiée, comme en témoigne l'historien Jacques Nobécourt. À peine l'armistice fut-il signé avec les forces anglo-américaines qui avaient conquis la Sicile, que face à la menace allemande, le roi Victor Emmanuel III, le maréchal Badoglio, le prince héritier, accompagné par les généraux et les plus hauts responsables de l'administration, fuit Rome, abandonnant aux Allemands la capitale du pays où s'esquissaient durant 48 heures quelques combats de résistance. Puis, le 12 septembre, les parachutistes allemands délivrent Mussolini, interné au Gran Sasso d'Italia. À partir de ce moment-là, Les griffes de l'aigle nazi venaient définitivement de se refermer sur Rome et sur toute l'Italie. À Rome, le nouvel homme fort s'appelle désormais Albert Kesselring. Il est allemand, général de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Il a reçu pour consigne d'Hitler de faire régner l'ordre dans la capitale italienne et d'y commencer l'œuvre de terreur du régime, à savoir la déportation des juifs de la ville. Pour y parvenir, Kesselring peut s'appuyer sur l'un des hommes les plus fanatiques du régime nazi, Herbert Kappler. Ancien assassin des Einsatzgruppen, ces brigades militaires chargées d'éliminer tous les opposants politiques et les juifs sur le front de l'Est, devenu depuis chef de la SS, Kappler est envoyé à Rome avec pour mission d'y mettre en œuvre la solution finale. Dès son arrivée, le monstre mobilise ses hommes pour organiser les rafles et préparer les convois pour les camps d'extermination. Et c'est l'enfer à Rome. De jour comme de nuit, le vert de gris de la Wehrmacht et le noir des troupes SS quadrillent la ville et se livrent à toutes les exactions possibles. Vitrines brisées, personnes arrêtées ou tabassées, alors que de son côté, la Gestapo fiche, file et écoute les opposants. Un couvre-feu et de nouvelles restrictions sont instaurées, surtout pour les personnes de confession juive qui habitent en majorité près de l'ancien ghetto, au cœur même de Rome, à quelques encablures de la grande synagogue et du fleuve Tibre. Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'acharnement contre les juifs italiens ne commence pas avec l'arrivée des nazis à Rome à la fin de l'été 43, non. C'est bien Benito Mussolini, le Duce, qui, après quelques mois d'hésitation parsemée de déclarations souvent contradictoires, a donné le coup d'envoi de la persécution de tous les juifs habitant l'Italie. Fasciné par la politique raciale de l'Allemagne nazie, il est convaincu qu'il doit trouver un ennemi de l'intérieur. Il impose donc l'antisémitisme d'État, ce qui constitue pour lui un excellent moyen de relancer la machine totalitaire et de mobiliser la population italienne. Dans la foulée, le dictateur fait promulguer des lois raciales antisémites. Les juifs italiens sont recensés, exclus de la fonction publique et des écoles, leurs propriétés et leurs biens sont spoliés, et les unions entre juifs et ariens interdites. C'est à ce moment-là qu'une partie des juifs de la ville se regroupe dans le même quartier, à deux pas de l'Isola Tiberina, dont nous reparlerons plus tard dans ce récit. Pendant 5 ans, le climat de terreur est tel que tous ceux qui aident ou défendent les Juifs sont à leur tour accusés d'être des ennemis de la nation italienne. Quant à Mussolini, il scande lors de ses discours souvent prononcés au balcon des palais officiels que sous son impulsion et grâce à sa politique, l'avenir du pays s'annonce radieux. C'en est fini du passé. Nous, les fascistes, nous ne vivons pas dans le passé. Nous, les fascistes, nous sommes tournés vers le futur. Et nous sommes l'incarnation même de notre propre victoire. Au début de l'automne 1943, avec l'occupation de Rome par les nazis, la situation devient encore plus préoccupante pour les 10 000 juifs qui vivent dans la ville. Sur les façades des bâtiments officiels jusqu'aux principales artères menant au Vatican, les drapeaux rouges, blancs et noirs arborant la croix gammée flottent, arrogants. Sur certaines avenues, des camions militaires allemands bloquent la circulation. À chaque barrage, des hommes en armes réclament justificatifs et papiers. Les juifs, eux, sont systématiquement refoulés. Témoin de la situation, l'Église adopte alors une attitude très controversée et qui suscitera par la suite de nombreuses polémiques. Au Vatican, en effet, Pie XII dénonce mais ne combat pas l'occupation allemande. Malgré un appel général à la paix, les cardinaux du Saint-Siège font preuve d'une totale impuissance. En coulisses, il se murmure que le pape et ses cardinaux sont prêts à certains sacrifices pour sauvegarder les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Collaboration diplomatique avec l'occupant d'un côté, mission de protection de l'intégrité des fidèles et des lieux religieux de l'autre, la position du pape est à la fois intenable et ambiguë. Quoi qu'il en soit, certains éminents historiens italiens, dont Giovanni Miccoli, démontre que derrière la part d'ombre, les silences et les dilemmes de Pie XII, se cache à Rome un réseau de justes. Eux, ce sont des hommes et des femmes, des anonymes, pour certains membres ou proches de l'Église catholique, qui vont au péril de leur vie cacher les familles juives sous le plafond du toit des églises, dans les caves des couvents, dans les presbytères des paroisses, ou encore dans des chambres secrètes au sein même du Vatican. Et l'un de ces refuges, sous tutelle de l'Église, est un établissement de santé, l'hôpital Fate Bene Fratelli, qui pourrait se traduire par « Vous faites bien d'être fraternel ». Un mot d'ordre qui va bientôt trouver tout son sens. Rome, 20 septembre 1943. Au palais de Viminal, les nazis échafaudent leur plan diabolique pour déporter les juifs hors du ghetto de la capitale italienne. Au même moment, sur la minuscule île de Tibérine, située au milieu du fleuve qui traverse Rome, l'Isola Tiberina, on y vient, les médecins de l'hôpital Fate Bene Fratelli accueillent, soignent et nourrissent des familles entières. Parmi elles, des juifs, mais aussi des polonais, des résistants. Institution catholique reconnue par le pape et gérée par le frère Maurizio Biolek, cet hôpital est considéré par un grand nombre d'Italiens comme une sorte de sanctuaire. Ici, protégé par les murs d'enceinte du bâtiment, à l'abri derrière ses imposantes façades hautes de 4 étages, blotti sur son île en plein centre-ville, entre quartiers juifs et Trastevere, on ne tolère aucune violence, ni aucune inégalité de traitement. D'ailleurs, depuis la promulgation des lois raciales en Italie, 5 ans plus tôt, l'hôpital est le seul établissement de santé de la ville à autoriser des médecins juifs à exercer leur métier. C'est le cas par exemple de Vittorio Emanuele Sacerdoti, qui exerce à l'aide de faux papiers. Parmi ses confrères, il y a le docteur Giovanni Borromeo. Antifasciste convaincu, il a refusé de travailler dans les autres hôpitaux de la capitale romaine, dirigés alors par l'État. Depuis des années, il soigne secrètement des résistants, des communistes, des opposants au régime, qui se présentent parfois la nuit aux portes de l'établissement. Depuis le début de l'occupation, Borromeo et ses confrères Sacerdoti et le jeune interne Adriano Ossicini craignent le pire. Alors, toujours en secret, ils hospitalisent des personnes juives malades. Puis, ils font aussi venir leurs proches et leurs familles. D'une dizaine de personnes, ils sont vite une cinquantaine, puis bientôt plus de 100. Et ils s'entassent dans les sous-sols de l'hôpital, comme en témoignera plus tard Israël Mosca, un habitant de la ville qui voyait les gens aller et venir sous ses fenêtres. Il y avait ce docteur Giovanni Borromeo, un très grand médecin, très jeune et courageux. Il avait compris la situation. Il a accueilli des juifs dans l'hôpital, les a placés dans un de ses services avec d'autres personnes, dont des Polonais non juifs. C'est dans ce contexte qu'au début du mois d'octobre, les médecins de l'hôpital Fate Bene Fratelli vont alerter l'occupant allemand de la présence d'une étrange maladie. Depuis l'été, plusieurs patients auraient été admis dans un état critique. Examinés par les médecins, dont le docteur Borromeo, tous présenteraient les signes d'une dégénérescence neurologique brutale. À leur arrivée, certains malades auraient même fait des crises de convulsions, d'autres auraient eu des accès de démence. Dans la grande majorité des cas, les victimes étaient conscientes, mais leur corps les lâchait complètement. Pris d'une forme sévère de paralysie, les malades étaient condamnés à mourir par asphyxie en l'espace de quelques jours, quelques heures, parfois pire, en quelques minutes seulement. Il se trouve, comme l'ont constaté le docteur Borromeo et Ciccini, que ce sont souvent des familles entières qui tombent malades en même temps. Les personnes les plus âgées étant le plus souvent condamnées, les plus jeunes semblant souffrant de formes bénignes. Il s'agirait donc, selon toute vraisemblance, d'une maladie hautement contagieuse. Borromeo précise que certains soignants de l'hôpital ont été eux aussi contaminés, et certains d'entre eux en seraient morts. Ossicini, lui, ajoute que ces dernières semaines, les cas de malades se seraient multipliés, faisant craindre une possible épidémie. Alors, partout en Rome, les rumeurs se propagent et les récits de souffrance de certains malades terrifient la population autant que les Allemands. Afin de pouvoir traiter, mais surtout isoler les malades, le docteur Borromeo donne l'ordre de les placer en quarantaine dans les sous-sols du bâtiment, dans le service des maladies infectieuses et d'en condamner l'accès à toute personne étrangère à l'hôpital. Devant la porte qui donne sur la salle des maladies infectieuses, le docteur Rossicini a écrit à la main sur une feuille de papier ces quelques mots. Patient atteint du syndrome K, danger de mort, ne pas entrer. Syndrome K, c'est le nom choisi par Borromeo, Rossicini et Sacerdoti pour désigner cette maladie mortelle. Un choix qui fait référence, semble-t-il, à la tuberculose dont les symptômes présentent des similitudes et surtout en référence à sa terrible bactérie, le bacille de Koch, qui, comme chacun le sait, commence par un K. Nuit du vendredi 15 au samedi 16 octobre 1943, Rome, nuit noire, vent froid. La capitale italienne est encore endormie. Lorsque vers 4 heures du matin surgissent plusieurs convois de véhicules de transport militaire bâchés. En l'espace d'une dizaine de minutes, ils encerclent le quartier juif. Puis des camions s'extirpent des centaines de soldats vêtus d'uniformes noirs, la SS. Le général Kesselring vient de lancer la première phase de son plan. Et la date n'a pas été choisie au hasard. La veille au soir, les juifs fêtaient le début du Shabbat, le vendredi. Kesselring estime qu'ils seront donc tous chez eux, tous ensemble, en famille. Et c'est l'horreur. Les soldats allemands tambourinent aux portes des immeubles et des maisons, brisent les serrures et entrent violemment, aboyant comme leurs chiens. Alors il faut sortir tous les occupants, effrayés, hommes, femmes et enfants, parfois à moitié nus. On les aligne dans les rues, le long des murs. Ils sont fouillés, pour certains, frappés. Dans la panique, des familles tentent de se cacher dans les étages les plus hauts. Dans certaines maisons, les parents enferment leurs enfants dans les caves, d'autres dans des greniers avant de se rendre et de se sacrifier. D'autres sortent par des portes dérobées, traversent les arrière-cours d'immeubles et vont se réfugier sous les arches des ponts. C'est alors qu'un informateur anonyme alerte les nazis. Une centaine de juifs auraient tenté de trouver refuge dans l'hôpital voisin, l'hôpital Fateh Ben Efratelli, sur l'île, là, au milieu du fleuve. En réaction, le général Kesselring fait bloquer les deux ponts en pierre qui mènent à l'établissement. Puis il donne l'ordre à son chef de la police, le SS Kappler, de rassembler tous ses hommes et de se préparer à investir les lieux. De l'autre côté du pont, réveillé par les cris et les hurlements venant du ghetto juif, le docteur Borromeo et ses confrères, et le docteur Sacerdoti et Rossicini sont là. Eux, les médecins de l'hôpital Fateh Ben Efratelli, n'ont que leur blouse blanche sur les épaules, un simple masque sur le visage et des gants de chirurgien. Ils n'ont pas d'armes traditionnelles, non. Ils ont mieux. En l'occurrence, une arme bactériologique. Ils ont le syndrome K et on verra si les SS font preuve autant d'assurance que lorsqu'ils viennent arrêter les civils sans défense. À la mattina, mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina, mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, io mi sento di morire. Se io muoio, da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Tutta la gente passerà, passerà. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà mi dirà, oh, è un fiore. E questo è il fiore, il partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Liberta, e questo è il fiore della partigiana, ma è tua fede, la libertà, la libertà, e questo è il fiore. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Samedi 16 octobre 1943, Rome, il est 5h du matin. Dans le centre de la ville, sur le pont de pierre qui mène à l'île Tibérine, le Ponte Fabrizio, une vingtaine de soldats SS armés jusqu'aux dents avec chiens en laisse marchent en direction de la grande porte de l'hôpital Fate Bene Fratelli. Quelques minutes plus tôt, leur chef, Herbert Kapler, leur a hurlé à la radio de fouiller l'établissement et s'il le fallait d'en forcer les portes. D'un pas déterminé, ces hommes sont déjà à moitié du pont. Quand au loin, derrière eux, on entend le bruit sourd des camions de transport SS. Les véhicules repartent pour une destination inconnue. À leur bord, des juifs, tous raflés cette nuit. De l'autre côté du pont, trois hommes en blouse blanche, Borromeo, Ciccini, Sacerdoti, font face à 15 nazis. Dans les instants qui suivent, un jeune commandant SS s'approche des médecins. Il leur demande, dans un italien hésitant, de s'écarter et de faire ouvrir la grande porte. Borromeo s'exécute. Mais à peine les nazis ont-ils franchi le portail, que le médecin leur adresse une remarque à glacer le sang. Des propos par la suite racontés par un témoin de la scène, Israël Moscati. Quand sont arrivés les Allemands qui voulaient entrer dans l'hôpital, il leur a dit « Écoutez, bien sûr que vous pouvez rentrer » et il les accueillit avec le sourire. Mais il a dit au commandant « Sachez qu'il y a une maladie infectieuse. Ils ont le syndrome K, qui pourrait tous vous infecter et qui pourrait vous poser de très grands problèmes. Mais moi, en tant que médecin, j'ai l'obligation de vous dire que c'est contagieux. » Alors le commandant a eu peur. Il a appelé tous les Allemands qui étaient avec lui, il les a fait sortir et ils sont partis. C'est de cette façon qu'ont été sauvés tant de Juifs. Les soldats SS casqués et armés, sûrs de leur force, prennent peur. Même les chiens des nazis se mettent à aboyer et adoptent un comportement étrange. Alors, courage fuyant, sans chercher à en savoir davantage sur ce qui se passe derrière les murs de l'hôpital, les SS déguerpissent de l'autre côté de la berge. À la radio, Kapler hurle, fulmine, menace, hystérique, il veut fouiller l'hôpital, quoi qu'il en coûte. Mais sur place, ces hommes refusent d'obéir. Réalisant alors le danger d'avoir tout son contingent contaminé par le syndrome K, Kapler finit par donner l'ordre aux soldats de retourner escorter les convois. Et tant pis pour les quelques juifs qui se cacheraient là, dans l'hôpital. Le syndrome va faire le travail à sa place, doit penser le chef SS. Mais à peine les portes de l'hôpital se sont-elles refermées que les trois médecins esquissent un sourire de satisfaction, genre « on les a bien nus ». Mais aucun geste amical, aucune étreinte, aucune euphorie, non. Parce que Borromeo et ses deux confrères le savent. S'il y avait une taupe fasciste parmi les patients ou le personnel médical, celui-ci irait tout de suite révéler le poteau rose. Et quelle peau, quelle manœuvre, génial, parce qu'en vérité, les trois médecins viennent de repousser et de terroriser des soldats nazis avec une maladie qu'ils ont eux-mêmes inventée. Coup de maître. Bien avant que les Allemands ne débarquent à Rome, conscients du danger pour la population juive de la ville, Borromeo, Sacerdoti et Ossicini réfléchissaient déjà à un moyen de faire venir des familles à l'hôpital pour les protéger. En lien avec le mouvement de résistance italienne et grâce au soutien de quelques religieux, l'hôpital Fate Bene Fratelli a délivré pendant des années des laissez-passer afin de permettre à des familles juives de quitter la ville et d'aller trouver refuge dans des monastères de campagne. Caché dans le bâtiment, un émetteur radio clandestin permettait d'ailleurs aux résistants de la capitale de communiquer avec les autres cellules combattantes de la région. L'arrivée des nazis et leur encerclement de Rome ont brutalement mis un terme à toutes ces pratiques. Alors, il a fallu trouver autre chose. On ne sait pas lequel des trois médecins a eu l'idée de génie. Ce dont on est certain en revanche, c'est qu'ils se sont tous les trois appuyés sur leur expérience et sur leur connaissance des épidémies. 20 ans plus tôt, rappelons-le, le terrible épisode de la grippe espagnole avait dévasté une partie du continent, occasionnant plus de 50 millions de morts. C'est sur la base de cette maladie hautement contagieuse et mortelle que les médecins vont s'inspirer pour créer de toutes pièces leur syndrome K, véhiculant et rapportant au passage de faux épisodes de patients malades. Bien des années plus tard, le docteur Adriano Cecchini dira... Le syndrome K était mentionné sur le dossier du patient pour indiquer que la personne malade n'était pas malade du tout, mais juive. Nous avons créé ces documents pour que les juifs soient traités comme des patients ordinaires. Et au moment où nous devions diagnostiquer la maladie dans les dossiers, nous indiquions que c'était le syndrome K. Toutes ces personnes étaient en réalité en bonne santé. Le K était juste un code qui signifiait entre nous que ces personnes devaient rester cachées dans l'hôpital. Syndrome K. Les trois médecins n'ont pas choisi ce nom par hasard. Contrairement à l'idée qui circulait alors, à Rome, le K du syndrome n'était pas la lettre K du bacille de Koch liée à la tuberculose. Non, c'était une référence directe aux généraux allemands Kesselring et Kappler. Bien vu là encore. Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes, en très grande majorité juives, qui vont ainsi échapper aux rafles. Grâce à la complicité d'une partie du personnel de l'hôpital, grâce aussi au soutien sans faille du frère Maurizio Bialek, qui dirige l'hôpital. Lors de la rafle de la nuit du 16 octobre 1943 à Rome, on estime qu'un peu plus de 1200 personnes juives ont été dénoncées, arrêtées, puis déportées. D'abord transportés au camp de concentration de Fossoli di Carpi, ces hommes, ces femmes et leurs enfants ont été ensuite envoyés à Auschwitz, en Pologne. Ils y seront, pour la quasi-totalité d'entre eux, assassinés. Pendant ce temps, au Saint-Siège à Rome, le pape Pie XII continue de faire semblant de ne pas voir ou de ne pas vouloir entendre. Incapable de se rendre compte qu'on raflait des innocents jusque sous les fenêtres du Vatican, il adoptera jusqu'à la fin de la guerre une position de neutralité coupable qui lui vaudra par la suite les critiques et les reproches d'un grand nombre de fidèles. D'octobre 1943 jusqu'au mois de juin 1944, date de la libération de la ville de Rome par les soldats alliés, soit pendant plus de 9 mois, les quelques centaines de faux malades du syndrome K vont rester enfermés et cachés dans les sous-sols de l'hôpital Fate Bene Fratelli. Jamais plus les nazis n'oseront s'approcher de l'établissement. Mais leur mission satanique va continuer. Plus de 8000 juifs italiens seront déportés pendant l'occupation nazie. À la libération, l'histoire du syndrome K restera un secret. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle et le début des années 90 pour que cette affaire soit dévoilée grâce à Adriano Cecchini, l'un des trois médecins qui, peu avant sa mort, livrera aux journalistes ses souvenirs et toute la vérité. Un peu plus tard, c'est le fils du docteur Borromeo qui publie un livre dans lequel, carnet de son père et témoignages de proches à l'appui, on découvre l'engagement du médecin italien, son immense courage. Alors aujourd'hui, si vous visitez Jérusalem et que vous vous rendez au mémorial de la Shoah sur les collines de Yad Vashem, sur le mur d'honneur du Jardin des Justes, vous y trouverez son nom. Et si vous allez à Rome, marchez le long du Tibre, Lungo Tevere, autrement dit les berges, par le Ponte Cecito ou le Ponte Fabrizio, rendez-vous sur l'île Tibérine et son hôpital. Asseyez-vous sur un banc, vous pourrez admirer Rome la sublime, observer en même temps l'hôpital Fate Bene Fratelli, et pensez très fort à messieurs Adriano Cecchini, Emanuele Sacerdoti et Giovanni Borromeo. Un morceau de choix dans ce qu'on appelle le tourisme mémoriel. Apri gli occhi e te ne vai, la danza è immobile. Scopre i tuoi fianchi il vento e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso e allora sì, avrei saputo credere. così libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca, la tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato le porte ipocrite di un paradiso, avrei toccato quell'anima che vive. E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima. Ogni tuo sorriso sentirai una forza dentro te che vince ogni limite. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sopravvivere ci basta un sogno, sai. Sai, oh, sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sai. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le syndrome K, histoire fascinante dont nous allons parler avec notre invitée, l'historienne Marianne Matar-Bonucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Italie. Vos recherches portent sur l'histoire du fascisme et de l'antisémitisme. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur ce sujet intitulé « L'Italie fasciste et la persécution des Juifs » réédité en 2012 aux presses universitaires de France. Vous êtes également, et on va faire un détour par là avant de replonger dans l'histoire, vous êtes également présidente de l'association Alarmée. Association de lutte contre l'antisémitisme et les racismes par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. C'est très intéressant. Moi, j'en conclus, je traduis ça par le fait que la peur est fille de l'ignorance, qui elle est mère de la violence, en gros. Donc ça voudrait dire que pour combattre l'antisémitisme, il faut y aller par l'éducation et le plus vite possible et dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Vous avez bien traduit les choses. En fait, c'est une association que nous avons créée avec des universitaires et des collègues enseignants du secondaire. Après les attentats, donc enfin il y a un peu plus d'un an, mais en réfléchissant sur ce qui s'était passé au moment des attentats de 2015, et l'idée est en effet de mettre à la disposition d'un large public et notamment des enseignants du secondaire qui ont besoin d'armes sur ces sujets, des connaissances sur toutes les formes de racisme et sur l'antisémitisme. Donc en organisant des formations. Nous avons également créé une revue qui est gratuite, qui est en ligne, qui s'appelle Revue à l'armée, et qui met aussi à la disposition des enseignants, mais plus largement de... Je crois que vous avez un problème technique. On a donc commencé à le comprendre avec les petits bruits qu'on entendait. Nous allons écouter immédiatement et nous reviendrons avec notre invité, bien sûr, le temps de régler tout ça. Andrea Laszlo de Simone qui nous chante La Nostra Fine. Marianne Matar-Bonucci, m'entendez-vous oui. maintenant? Très bien. Bien, excusez-nous pour ce problème technique. Vous savez que, par prudence sanitaire, nous recevons le moins possible d'invités dans les studios. Donc on passe par des lignes téléphoniques et parfois ça nous trahit. Bien. Nous parlions donc de la lutte contre l'antisémitisme qui passait d'abord par l'éducation, voire des plus jeunes. Est-ce que ça passe aussi par l'éducation des adultes? Je pense au relent d'antisémitisme qu'on peut connaître dans notre pays à travers des drames parfois, et parfois une gêne à dire que c'est un crime antisémite, alors que c'est, il y a des relents d'antisémitisme. Est-ce qu'il faut aussi passer par là, par cette lucidité-là? Il faut tout à fait, en effet, former également des publics d'adultes. Donc, je parlais des enseignants quand nous avons été interrompus, mais il y a d'autres catégories, les policiers, me semble-t-il, les responsables des associations, parce qu'il n'est pas forcément évident non plus, justement, de savoir identifier ce que sont quelquefois les stéréotypes, le racisme ou l'antisémitisme. Donc, ces formations sont en effet destinées à montrer que les choses sont complexes, mais je crois que cette complexité peut être mise à la portée, encore une fois, d'un public assez large. Nous en avons fait l'expérience et il me semble que cela fonctionne. Alors, nous revenons à notre histoire. De toute façon, les racines de l'antisémitisme vont se puiser dans l'histoire, évidemment. L'antisémitisme italien de Mussolini a-t-il des particularités par rapport à celui d'autres régimes, soit fascistes, soit collaborationnistes, comme celui de Vichy? Oui, en ce sens qu'il est tardif, puisque le fascisme arrive au pouvoir en 22 et ce n'est qu'en 38, si je puis dire, que sont adoptées donc les lois anti-juives. Pour le reste, du point de vue des formes de persécution, car on peut bien parler de persécution qui seront mises en place, eh bien, elles ressemblent tout à fait à ce qui sera fait dans l'Allemagne nazie d'abord et ensuite dans la France de Vichy. Alors, avec des singularités, il y a en Italie des interdictions professionnelles, des lois de spoliation également des biens des populations juives, tout un tas de mesures symboliques très importantes aussi destinées à les mettre au banc de la société. Mais il y a par exemple une singularité par rapport à Vichy, c'est l'interdiction des mariages mixtes qui ne surviendra pas donc dans le contexte du régime de Vichy qui sera plus sensible sur ce chapitre-là aux pressions de l'Église. Il y a par exemple l'expulsion des enfants juifs des écoles, ce qui ne sera pas non plus le cas d'emblée sous le régime de Vichy. Donc il y a des singularités, mais pour résumer ce qu'on peut dire, c'est que ces mesures sont des mesures qui sont très durs et qui sont, contrairement à ce qu'on imagine souvent, appliquées avec sévérité et bien souvent avec zèle. Mais entre 1922, donc date d'arrivée de Mussolini au pouvoir, et 1938, quelle est la situation en Italie par rapport aux Juifs ? Eh bien, les Juifs sont vraiment considérés comme des ressortissants, j'ose pas dire des citoyens, puisque même s'ils ont la citoyenneté italienne, mais bien peu de droits, puisque c'est une dictature qui est au pouvoir, mais il n'y a pas de différence entre Juifs et non-Juifs. On trouve des Juifs parmi les fondateurs du parti fasciste, on en trouve à l'intérieur du parti fasciste, et jusqu'en 37, Mussolini fait des déclarations extrêmement rassurantes à un certain nombre d'interlocuteurs, en disant qu'il n'est pas question de persécuter les Juifs, comme c'est le cas en Allemagne, en affirmant qu'il y a une spécificité dans la conception de la nation fasciste qui ne passe pas par le racisme. Et on n'est pas, on est presque pas étonné quand on connaît le logiciel idéologique de Mussolini, qui est la géométrie variable, de voir cette bascule. La bascule en 38, cette politique anti-juive, elle est liée à l'alliance avec Hitler. Alors, l'alliance avec Hitler, bien évidemment, joue un rôle, mais ce qui est essentiel de mon point de vue, c'est le mode de fonctionnement de ce régime, qui est un régime totalitaire et qui, comme l'a bien montré Hannah Arendt, eh bien, a constamment besoin de mouvements pour mobiliser les élites et les masses. C'est un peu, vous savez, on utilise parfois la métaphore de la bicyclette. Si le cycliste ne pédale pas, il tombe. Eh bien, il y a quelque chose donc de cet ordre-là. Alors, le fascisme est un régime qui maintient le parti, ses élites, en agitation permanente. Et à ce moment-là, tous les antifascistes sont soit en exil, soit en prison. Il y a eu des combats, la guerre d'Éthiopie 35-36, la guerre d'Espagne, mais là, il n'y a plus de grain à moudre pour mobiliser ces élites. Et par ailleurs, ce que voit Mussolini, c'est qu'en Allemagne, en revanche, il y est allé en septembre 1937, il a pu voir que la société totalitaire se construisait beaucoup plus vite. Eh bien, il y a une forme de retard, si vous voulez, par rapport donc à la construction du totalitarisme. Du coup, Mussolini se dit, il nous faut un nouvel ennemi intérieur, et à ce moment-là, le seul ennemi intérieur qui reste, eh bien, ce sont les Juifs. Donc, il n'y a aucune pression de l'Allemagne, mais il y a, à l'évidence, une forme d'influence et même d'émulation de ces deux régimes fascistes, donc d'escalade, je dirais, qui va conduire à la persécution des Juifs. Alors, l'histoire qu'on a racontée aujourd'hui est absolument fascinante. Hein. Elle est belle d'ailleurs, elle est belle parce que c'est une histoire humaine, c'est une histoire de courage. Est-ce que c'est un acte, j'imagine que c'est pas un acte isolé en Italie, mais est-ce que l'Italie est une terre de juste, a été une terre de juste? Alors, l'Italie a été aussi une terre de juste, si on prend la définition de Yad Vashem, je crois qu'il y en a quelques centaines, peut-être un peu moins de 400. En réalité, il y en a eu beaucoup plus, puisque tous les justes ne se sont pas fait connaître, évidemment, et certains sont morts avant avoir pu se faire reconnaître. Est-ce qu'il y a plus de justes en Italie que dans d'autres pays qui ont été sous régime d'occupation? Ce n'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que, parce que c'est l'Italie terre de chrétienté, il y avait effectivement des structures ecclésiastiques, des couvents, des églises, des fondations en rapport avec l'Église, qui, en vertu du devoir de charité de l'Église catholique, ont effectivement accueilli un certain nombre de personnes qui étaient pourchassées, dont des juifs. Et par exemple, vous avez parlé donc dans le reportage de l'île Tibérine où il y a toujours d'ailleurs cet hôpital. Absolument. Fate Bene Fratelli. Très joli bâtiment d'ailleurs. C'est un lieu magnifique, hein, c'est vraiment le cœur de la Rome historique. Et en face, vous avez l'église San Bartolomeo, où il y a un couvent, où il y avait des franciscains, et là, 400 juifs ont également été cachés et accueillis. Donc, je dirais, l'Église a joué de ce point de vue-là un rôle important, en effet, pour sauver des juifs, mais avec, vous y faites également allusion dans le reportage, sans consigne, en tout cas on n'en a pas retrouvé, générale, donc, du pape Pie XII. Ça veut dire, qui a pu effectivement, l'attitude du pape Pie XII, comme vous l'avez rappelé, a pu en effet susciter, après la guerre, certaines polémiques. Ça veut dire que concernant le comportement des catholiques, il faut bien dire, il y a les catholiques, et puis il y a la représentation officielle, je dirais même politique, la hiérarchie catholique. On voit bien que du côté de Pie XII, il y a une sorte de laisser-faire coupable, et chez les catholiques, les gens, monsieur, madame, tout le monde, là, il y a du courage. Alors, chez les catholiques, les gens, il y a eu sans doute de tout. Hein. Certains ont sauvé, ont aidé, d'autres pas, d'autres ont regardé, sont restés, se sont abstenus, n'ont pas pris de risque. Pour ce qui est de la hiérarchie, dans la hiérarchie catholique, bien évidemment, il y a des prêtres, des évêques. Pensez au très beau film de Rossellini, Rome, ville ouverte, qui montre justement l'exécution du père Morosini à Rome, qui avait aidé, en l'occurrence, des résistants. Donc, bien évidemment, des membres du clergé aussi ont contribué donc au sauvetage des Juifs et d'autres persécutés. Mais ce qui pose problème, c'est l'attitude de Pie XII, car nous savons donc que le Vatican était au courant du sort des Juifs une fois qu'ils étaient déportés. À plusieurs reprises, différentes formes, les alliés, les Américains, des représentants des communautés juives, ont demandé au pape de s'exprimer publiquement. Et ce qui a fait défaut, c'est cela, c'est-à-dire c'est une condamnation, une parole publique du pape condamnant donc ce qui était à l'œuvre, condamnant le processus d'extermination des juifs. La seule prise de parole publique qu'il y a eu, c'est dans un très long message radiodiffusé pour Noël 1942, dans lequel le pape fait état des persécutions de certaines catégories pour des raisons de race ou d'ethnie, mais le mot juif n'est pas prononcé. Et donc, on pouvait attendre, si vous voulez, plus de clarté de la part donc de l'autorité pontificale qui à l'époque avait quand même été une voix qui était respectée donc et écoutée. Alors complètement rien fait parce que nous savons qu'il y a eu une intervention donc au moment de la rafle du ghetto, donc du cardinal Malione et à l'ambassadeur allemand. en disant que le pape ne voudrait pas avoir à intervenir si les choses continuaient. Donc peut-être que les Allemands seraient allés encore plus loin, mais encore une fois, les interventions de Pie XII sont restées plus que réservées. Et à ce propos, on va écouter l'un de ses successeurs, le pape actuel, le pape François, qui au mois de mars 2019 s'exprime sur cette affaire du comportement de Pie XII. J'ai décidé que l'ouverture des archives du Vatican pour le pontificat de Pie XII aurait lieu le 2 mars 2020. L'Église n'a pas peur de son histoire. Au contraire, elle l'aime et voudrait l'aimer encore plus, tout comme le fait Dieu. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je dirais on est dans une forme de langue de bois vaticane, là, quand même, ce qui n'est pas toujours le cas du pape François, hein, mais là, c'est effectivement le cas. Alors, c'est vrai que les archives Pie XII, donc de Pie XII, qui jusqu'ici n'étaient ouvertes que très partiellement aux historiens, vont être ouvertes, donc ça permettra peut-être d'en savoir un peu plus, mais il se peut aussi que l'ouverture des archives ne modifie pas considérablement les choses, puisque, encore une fois, ce qu'on a tendance à reprocher au Vatican, c'est plutôt l'absence, justement, d'intervention et de déclaration. Quelle place tient cet épisode, cet événement, cette histoire du syndrome K dans ce qu'on appelle la mémoire collective d'un pays, en l'occurrence celle de l'Italie aujourd'hui ? L'épisode n'est pas tant connu que cela. Généralement, je dirais, plus largement en Italie et en dehors d'Italie, et peut-être même plus encore en France, l'image que l'on a conservée des Italiens, par opposition bien évidemment au national-socialiste, est celle d'un peuple d'un peuple et d'un régime qui finalement s'est pas si mal comporté pendant la guerre, et il y a ce qu'on appelle en italien le mythe des Italiens brava gente, c'est-à-dire les courageux, une fois, les gens courageux, beaux, gentils, voilà, ça, ouais. Braves, des braves gens, un peuple humaniste. Or, ce que montrent les travaux d'histoire, c'est que les choses sont là encore bien plus compliquées que cela, et qu'en matière de persécution des Juifs, à partir de 1943, avant 1943, les Juifs ont été effectivement, entre 38 et 43, mis au banc de la nation, et à partir de septembre 43, sous la République de Salo, le régime fasciste a été l'auxiliaire des nazis dans le processus de déportation. Ça sera le mot de la fin, Marianne Matar Bonucci. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le syndrome K, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Kevin Pelot qui était à la technique aujourd'hui.